En Corée, viennent d'être découverts à Manolté, Gaesong, quatre caractères métalliques, fierté de la nation coréenne. La Société de l'Histoire, la Société de l'Archéologie et la Société des Études Classiques Nationales de la République Populaire Démocratique de Corée ont attesté que les derniers caractères métalliques ont été fabriqués et utilisés au XIIe et XIIIe siècle, époque du Goryeo. Rappelons qu'à l'échelle mondiale, les Pays-Bas et l'Allemagne ont respectivement inventé et utilisé en 1423 et 1450 les caractères métalliques, mais le Goryeo les a inventés environ 300 ans auparavant. À la suite des fouilles à Manolté à Gaesong, emplacement du palais royal du Goryeo en 45 du juste 1956 d'un caractère métallique et d'un autre en novembre de l'année passée, le groupe des chercheurs scientifiques du Musée de l'Histoire centrale de Corée ont livré en détail les fouilles sur les groupes architecturaux de l'ouest de Manolté depuis la mi-mars dernier et découvert encore quatre caractères métalliques qui sont tous en bronze.